va parler des Alouettes avec notre chum Frédéric Degg. Salut Fred! Salut. Fred, les Alouettes qui sont à Calgary cette année, une bonne saison. Fred qui suit les Alouettes pour la presse canadienne. Hey Fred, d'abord avant de parler des Alouettes, t'as couvert la conférence de presse de Patrick Roy et à ton feeling, c'est quoi? Y reviens-tu ou y reviens-tu pas? Je pense qu'il est très, très amer envers l'arbitrage. C'est pas la première fois. Puis là, les gens vont dire qu'il est mauvais perdant. Je pense que quand il y a un bon point, à un moment donné, quand il dit je suis tanné de voir la Ligue gérer des matchs au lieu de demander à ses arbitres d'arbitrer. Il y a beaucoup de déceptions. Il avait bâti un groupe pour gagner cette année. Je sais que je suis pas le hockey junior de très près, mais selon ce qu'on m'a dit, le groupe des remparts serait également très fort l'année prochaine. 15 joueurs. Bon, alors ça, c'est pour la meilleure équipe de la Ligue cette saison. C'est un bon noyau. On sent que le gars, là, il est rendu à un point de sa vie où il a besoin de faire une très grande réflexion sur son avenir parce que, comme il l'a dit, et puis moi je le connais pas personnellement, Patrick, mais on le connaît, on l'a suivi comme partisan de hockey, puis un petit bout comme journaliste pour ma part, mais c'est un gars entier, c'est un gars qui se donne à 100% dans tout ce qu'il fait. Et on dirait que là, il a peut-être plus le goût de se donner autant au hockey junior. Alors, moi je pense que peu importe ce qui arrive, les gens des remparts vont obtenir une réponse honnête de Patrick Roy. Ici, Patrick est là pour commencer la prochaine saison, mais ça veut dire qu'il va être là en entier et qu'il va être là jusqu'au bout. Mais après ça, moi je pense que ce qui le fait hésiter, c'est justement que le groupe qu'il a mis sur pied revient presque dans sa totalité l'année prochaine. Ouais. Il ne veut pas. Il l'a dit hier, il dit j'abandonne pas dans la vie, je finis ce que j'ai commencé. Alors j'ai l'impression peut-être, moi je pense que c'est l'élément clé, je pense qu'il va vouloir se donner une dernière chance peut-être avec ce groupe-là, mais moi je serais pas surpris que la prochaine saison, s'il revient, que ce soit sa dernière, ah, en tout cas comme entraîneur-chef. Comme directeur général, peut-être autre chose, là, mais comme entraîneur-chef... Ben, il a dit que la porte était ouverte, là, que toutes les options étaient ouvertes, que c'est une possibilité qu'il demeure comme directeur général. Mais en même temps, Patrick Roy va recevoir des offres là, de télé, radio, qui est disponible pour analyser des matchs de hockey de la Ligue nationale. Oui, écoute bien, là, c'est pas inquiétant. Là. Puis moi, Tom Lapointe est allé avec un bon commentaire ce matin. Il dit, moi, je le verrai à TVA Sport. Puis, je suis tellement d'accord avec lui. Là. TVA Sport, imagine-toi, analyste, Patrick Roy, analyste du match du Canadien à TVA Sport. Il gagnerait quelques abonnés, je pense. Moi, je pense qu'il y a des gens qui iraient voir ce que Patrick a dit. Ben, c'est clair. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Hey, les Alouettes, quelle sorte de saison tu t'attends? Écoute, est-ce que Gary Jones est sur du temps emprunté? Parce que moi, je suis encore amer suite à la conférence de presse de l'année passée. Je l'ai trouvé encore bizarre, cette conférence-là. Est-ce que tu trouves que Gary Jones est sur du temps emprunté? Sur du temps emprunté, c'est peut-être gros, mais c'est clair que Gary Jones joue son avenir au sein de l'organisation des Alouettes. Et j'adore Kerry Jones, l'entraîneur. Je suis pas toujours d'accord avec ses décisions. J'adore Kerry Jones, l'homme, qui est un gars hyper sympathique, hyper généreux. Mais faut pas oublier qu'il est arrivé en poste avant Danny Mathiotia. Ouais, c'est pas l'homme. Et Danny Mathiotia lui a donné sa chance. On peut pas dire que Jones a mal fait, mais on peut pas dire qu'il a bien fait non plus. Moi, je pense que la saison dernière, oui, il y a eu la blessure à Vernon Adams. Mais je pense que tout le monde au sein de l'organisation a été déçu d'abord de l'affiche de 7 victoires, 7 défaites et de la défaite au premier tour éliminatoire. Mm-hmm. Je pense on s'attendait à plus. Non seulement on s'attendait à plus, mais c'est triste à dire, mais financièrement, cette organisation-là a besoin de plus. Ils ont besoin de jouer au moins un match éliminatoire à la maison. Ils ont besoin de participer à la Coupe Grey rapidement là, pour remplir les coffres. C'est pas compliqué. Je suis pas à Montréal, Fred, mais ça a l'air, c'est compliqué, ça, de Percival Monson avec tous les travaux. Ça peut décourager une maudite gang, ça, non? C'est compliqué de se rendre partout à Montréal, Danny, présentement. Okay. À Montréal-Est, l'île d'Anjou, dans l'ouest de l'île, à l'aéroport, Percival Monson, au centre Monson. C'est compliqué de se rendre partout présentement. Okay, donc c'est pas, alors, il y a pas. C'est pas une exception à Percival Monson, mais au départ, disons que c'est un stade qui n'est pas très bien desservi par les transports en commun. c'est oui, c'est à distance de marche des stations de métro du centre-ville. C'est quand même une bonne pente à monter. C'est pas à la portée de tout le monde, je dirais. Il y a des services de navette les jours de match. Tout est mis en place pour faciliter la vie des gens, mais de prime abord, c'est pas le stade le mieux desservi à Montréal au niveau du transport en commun. Si on fait une comparaison pour comparer, là, le stade Saputo est beaucoup mieux desservi en transport en commun que le stade Percival-Mawson. Mais alors, pour revenir aux Alouettes, là, moi, cette année, et Miguel Bigeaud de la presse disait, vois-tu, lui, ce matin, dans son texte, il dit c'est la Coupe Grey ou rien, c'est-à-dire participation à la finale où la saison sera un échec. J'ai tendance à dire qu'il a raison. J'ai l'impression, moi, que si Kerry Jones n'apporte pas son club jusqu'en finale, son contrat sera peut-être pas renouvelé. Pour que ce soit une bonne ou une mauvaise raison, là, je pense que c'est ça que l'organisation a en tête et qu'ils n'auront pas le choix. Miguel Place, ce matin, et puis là, je parle de Miguel parce que c'est le dernier article sur les Alouettes que je viens de lire. Là, c'est pas pour le mettre sur la sellette du tout. C'est un journaliste que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Lui, il est mes premiers de la division. Moi, c'est drôle. Je pense encore que les Tiger Cats de Hamilton cette année vont être supérieurs aux Alouettes, même s'ils ont perdu Mazzoli, qui a signé un contrat. Colin, c'est bien bête, j'ai un blanc, je pense, à Ottawa. En tout cas, écoute, il est plus à Hamilton. Ça, c'est clair. Il y avait un bon tandem de corps avec Evans et Mazzoli l'an passé. Moi, je pense que les Tiger Cats sont encore un petit peu supérieurs. Sauf que si finalement, parce que ça, c'est un autre gros point d'interrogation des Alouettes, si Vernon Adams Ben, c'est ça, c'était ma remplit ses prochaine question promesses, aussi. répond aux attentes, parce qu'il l'a pas fait jusqu'à Ouais. maintenant, on n'arrête pas de dire que c'est un jeune corps, il est rendu à 29 ans. Il Non, va non, c'est falloir le jeune corps. que ça débloque, là, à un moment donné. Il va falloir qu'il prenne les choses en main et qu'il arrête de faire les erreurs bêtes qui ponctuent son jeu constamment. Alors, en tout cas, ils ont le meilleur porteur de ballon de la Ligue en William Stenbach. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute, même en jouant juste 12 des 14 matchs l'année passée. Il a fini presque 300 verges en avant de son plus proche poursuivant. C'est un char d'assaut, William Stenbach. Il n'y a personne, il n'y a pas un secondeur dans la ligue qui veut se mettre devant lui quand il a pris son élan. Et d'avoir ce joueur-là, ça devrait permettre justement à Adam d'éclore et d'exploiter tout son talent parce que il n'y a aucune défense qui peut se dire ils courront pas ce jeu-là. Stenbach, il peut courir tous les jeux du match ou presque. J'exagère en disant ça, mais C'est c'est un une gars qui peut machine, courir là, William facilement Stenbach. 150-200 verges par match. Ah ben oui, il l'a fait, je pense qu'il y a 4 matchs de plus de 200 verges l'année passée. C'est un gars, écoute, c'est un très beau porteur de ballon que les amateurs de football doivent adorer pour jouer William Stenbach, et puis ils l'ont dans leur cours. Mais l'unité défensive des Alouettes l'année dernière a terminé au premier rang avec 49 sacs. Ils en ont perdu beaucoup avec le départ de Barron et de David Ménard. Mais elles sont allées chercher des gars. T'sais, on attend quand même beaucoup de Tyrell Richards, le premier choix repêchage. Il sera pas parmi les partants en défensive en début de la saison. Il va être surtout utilisé sur les unités spéciales. Mais on l'a vu dans le dernier match préparatoire, c'est un pourchasseur de corps. C'est un gars qui est capable de sortir le gros jeu, d'aller rejoindre le corps derrière sa ligne de mêlée. C'est un gars très athlétique. Alors, on est en train de le préparer à occuper un poste de partant. Il reste des gars spectaculaires quand même là, sur la ligne défensive. Armando Suwo, on a Nick Usher, on a Ellis, on a Trey Watson, Adarius Pickett comme secondaire qui a été très bon l'année passée. Marc-Antoine Decouet qui va être le maraudeur partant cette année. Il a gagné son poste au camp d'entraînement. Ça, j'ai hâte de voir ça aussi. C'est un gars très athlétique qui couvre beaucoup de terrain. En tout cas, la défense des Alouettes devrait être au rendez-vous. Le point d'interrogation, c'est l'attaque. C'est triste à dire, mais le principal point d'interrogation, c'est Vernon Adams. Ben, c'est clair. Est-ce que Trevor Harris, qui a quand même bien fait quand il est arrivé avec les Alouettes, là, puis Dominique Davis, ils ont pas congédié, ils vont trois quarts d'expérience au début, là. Je pense que la sonnette ne sera pas longue si jamais il y a un problème, hein? Moi, je pense, puis là, ça, c'est mon opinion bien, bien personnelle. Je pense que Adams est encore en audition jusqu'au premier match à Montréal, c'est-à-dire le troisième match de la saison, le 23 juin, contre les Rough Riders. Moi, je pense que si c'est pas concluant après ces trois matchs-là, je serais pas surpris qu'on voit Harris peut-être avoir un départ pour la quatrième rencontre. Je dis ça, puis peut-être que le plan de match, c'est de vivre ou mourir avec Vernon Adams, mais compte tenu de ce qu'on disait plus tôt, que Carey Jones n'est peut-être pas les coudées très franches. Non. Je pense qu'il va être en mode solution rapidement si Adams ne livre pas la marchandise à laquelle on s'attend. OK, OK. Toronto et Ottawa, ça s'est amélioré un peu. C'était pathétique. Ottawa l'année passée, là, c'était pathétique. Ottawa c'est quand même beaucoup amélioré. C'est une équipe, moi, que je pense là, qui devrait jouer autour de 500. Okay. Et Toronto m'apparaît peut-être comme étant le maillon faible dans l'Est, mais dans l'Est, là, il n'y aura pas d'équipe moribonde là, comme on a vu souvent au cours. Depuis que les Alouettes sont revenues, c'est Jean Saint-Onge de Radio-Canada et de Cogeco qui me faisait passer la remarque cette semaine. Il y a toujours une équipe là, qui est complètement larguée, là, 5, 6, 7 victoires, des fois 4 certaines ben, saisons. Ça a toujours fait 40 ans que je suis allé Canadienne, puis ça fait toujours ça. Ben, cette année, il ne devrait pas en avoir. La course devrait être plus serrée dans l'Est. Moi, je pense que l'équipe qui va être larguée rapidement cette saison, ce sont les Lions de la Colombie-Britannique, qui ont perdu Mike Riley, qui a pris une retraite surprise. Ils se tournent vers le corps canadien. Voyons, c'est Rourke. J'oublie son nom, je m'excuse, j'ai un blanc. Là, mais, alors, c'est lui qui va avoir la chance avec le corps partant cette année. Mais à l'attaque, on n'a pas un groupe très relevé. Alors, moi, je pense que c'est les Lions, l'équipe qui va être facilement larguée. Sauf que ça aide pas les Alouettes parce qu'ils sont dans l'autre section. Les Alouettes, normalement, devraient lutter avec les Tiger Cats, même si je pense que les Tiger Cats vont finir devant. Ils devraient lutter pour la première place dans l'Est. Ça sera à eux maintenant de transporter ça sur le terrain. Fred, tu sais qu'il y a eu un conflit de travail et les Stampeders et les Eskimos sont les deux seules équipes qui n'ont pas eu de... qui n'ont pas fait une grève durant le camp d'entraînement. Est-ce que ça, là, est-ce que ça va paraître pour le match de ce soir? Certainement, hein? Ben, je ne sais pas si ça va paraître tant que ça, parce que on n'a pas manqué beaucoup d'activités. Là. Okay. Les gars s'étaient pris. En tout cas, je parle pour les Alouettes, je ne peux pas parler pour les autres équipes à travers le Canada, parce qu'en raison des lois du travail qui existent en Alberta, les équipes albertaines devaient... il y avait un délai à respecter, je pense, pour deux semaines. Il fallait qu'ils annoncent qu'ils étaient pour être en grève dans deux semaines. Alors, eux autres devaient continuer l'entraînement. Les Alouettes, les joueurs ont décidé de faire des entraînements, je te dis, improvisés. Là, ils se sont réunis dans un stationnement au Cégep de Trois-Rivières. Et puis, à un moment donné, on leur a permis, la Ligue canadienne a permis aux équipes de continuer d'avoir accès aux installations et au terrain d'entraînement. Alors, vraiment, tu sais, s'ils ont manqué deux jours d'entraînement régulier, entre guillemets, si tu me prêtes l'expression, je suis pas sûr que ça va faire une grosse différence à ce niveau-là. Sur un camp d'entraînement de trois semaines, si tu as eu deux journées, ils auraient pu avoir deux journées de pluie épouvantable, puis ils auraient été obligés de s'entraîner à l'intérieur en gymnase, puis ça aurait été presque aussi dérangeant que ce que les joueurs ont fait. Écoute-moi, honnêtement, je m'attends pas à ce que ça fasse grosse différence. Hey Fred, en terminant, je t'en ai pas parlé, je t'en ai parlé en dehors des ondes, mais je veux t'avoir ton opinion en ondes. On a vu hier les chiffres du 91.9, 0,9% de la part du marché. C'est pas ça que je veux te faire commenter. Ce que je veux te faire commenter, est-ce que j'ai vu un podcast avec Jérémy Filosa l'autre jour, j'écoutais ça l'autre fois, puis il disait qu'il avait vu une étude que les jeunes écoutait moins le sport que nous autres dans le temps. Tu sais, quand on était jeunes, on avait beaucoup de sport. Et lui s'inquiétait, Jérémy, du sport professionnel à l'avenir. Ce qui semblait sortir, c'est qu'il regarde les highlights, il s'en va sur TikTok, puis il regarde les affaires, mais il regarde pas les matchs comme nous autres on fait. Est-ce que ça se pourrait que le sport au Québec, c'est beaucoup moins populaire que nous autres dans notre temps? Moi, je pense que oui, là. C'est possible. Je pense que certains sports le sont toujours autant. Là, je pense que le Canadien, ouais, peu importe ce qu'il fait, il va toujours s'en sortir. Les autres sports, c'est peut-être plus difficile. Mais je trouve qu'au Québec, on a le don de dévaloriser tout ce qui est sport professionnel et de démoniser ça. Qu'à un moment donné, ce message-là a peut-être porté... bien malgré nous, là, les amateurs de sport. écoute, c'est certain, quand moi je regarde à la maison, même si j'ai deux filles, ça s'intéresse quand même au sport. J'en ai une qui joue au baseball encore, qui est une grosse fan de Beau Bichette et des Blue Jays, à mon grand dam. Elle joue, mais est-ce qu'elle regarde la TV? C'est ça qui est. Elle ne s'assoit pas pour regarder des matchs, mais moi, j'en regarde souvent des matchs. Puis si elle vient dans le salon, si je suis dans le bureau, puis la TV est ouverte au baseball, elle va s'asseoir avec moi, puis elle va regarder une manche. Elle va surtout, écoute, je te cacherai pas, elle va surtout regarder si c'est les Blue Jays d'abord. Puis si c'est pas les Blue Jays, là, il y a moins de chance. Tu regardes les Yankees, puisque tu es un fan des Yankees, toi. Alors, oui, ben là, elle commence à aimer Aaron Judge. Je pense qu'elle apprend à la bonne école, là. Mais je veux dire, tu sais, c'est. Moi, je me rappelle, là, je demandais à mon père c'était quand la prochaine game de hockey, puis c'était quand la prochaine game des Expos, parce que je voulais m'installer avec lui et la regarder. Ben oui. Moi, j'ai commencé à 3 ans à écouter les Alouettes et écouter les Expos. C'est ça. Mais là, d'un autre côté, c'est certain, tu sais, des événements spéciaux. Tu sais, quand je leur fais savoir là, qu'il y a un match ou une compétition spéciale, ça va les intéresser. C'est peut-être davantage ça. Puis là, écoute, je suis pas sociologue, puis je n'irai pas dire qu'est-ce que les jeunes aiment et n'aiment pas. Mais c'est certain que le niveau d'attention pour s'installer 2h30, 3h sur un événement sportif, comme on pouvait le faire, mais on avait une moins grande offre aussi quand on était plus jeune. Netflix, on n'avait pas d'écran, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas 100 000 films à 2-3 clics de distance de nous autres. À un moment donné, il y avait, tu sais, moi, quand j'étais petit, il y avait une TV dans la maison. Si la TV était au sport, si je voulais regarder la TV, c'était du sport que je regardais, je veux dire, c'est pas la même réalité. Ah, c'est dur de comparer. Ouais, les filles font du sport chez nous aussi, puis on a, je le vois dans leur groupe d'amis, il y a beaucoup de gens qui font du sport. Le baseball féminin marche très fort dans ma région. Le baseball masculin aussi. Le hockey l'hiver, la ringuette, la danse. Je veux dire, les jeunes en font. Ouais. Est-ce qu'ils en consomment comme nous autres, on en consommait? Ouais. C'est assurément différent de la façon qu'ils consomment, okay. C'est sûr. Fred, on s'en reparle bientôt parce que j'ai mon chien qui jappe. Écoute, on est en off the record. C'est ça de la radio en direct. On s'en reparle bientôt. OK, notre ami Frédéric Degg de la prochaine.